Elle est la chenille incomprise. Adeline Martinez. Dans un jardin pas si lointain, vivait une petite chenille différente des autres. Elle s'appelait Elle. Elle allait vite, très vite. Elle bougeait, pensait, parlait, plus vite que tout le monde. Même ses parents n'arrivaient pas à la suivre. Elle donnait parfois le tournis à tous ceux qu'elle croisait. Et souvent, elle se sentait un peu de trop. Elle était curieuse de tout. Chaque feuille, chaque bruit, chaque couleur la fascinait. Elle pensait que la vie était trop courte pour dormir ou pour perdre du temps à ne rien faire. Alors, elle bougeait, elle posait mille questions, elle virevoltait partout à la fois. Et très souvent, elle entendait les mêmes phrases. « Calme-toi, va moins vite. Arrête-toi, concentre-toi. Tu es épuisante. » Elle n'était pas méchante, juste beaucoup trop ailée pour certains. Mais elle n'écoutait rien du tout. Elle faisait toujours ce qu'elle voulait. Elle fonçait comme une fusée. Jusqu'au moment où, boum, baboum, elle est rentrée dans Lily, une petite abeille tranquille qui faisait bzz. Ça alors, dit Lily, quelle vivacité et quelle rapidité. J'aimerais tellement avoir ton énergie. Elle, un peu surprise, ne sait trop quoi dire. Ses joues rosissent et elle murmure un petit « merci ». Puis, tout doucement, elle ajoute « c'est rare qu'on me dise quelque chose d'aussi gentil. En fait, ça ne m'est presque jamais arrivé. » Lily regarde Elle avec un sourire. « Tu sais, tu as une énergie incroyable. Il existe une fleur spéciale, très ancienne. » qui peut t'aider à mieux la canaliser. Est-ce que ça te dirait qu'on y aille ensemble ? Elle sourit, surprise et ravie. Une fleur magique ? J'adore les fleurs, allons-y vite. Et c'est ainsi que les deux nouvelles amies partent ensemble, chacune curieuse d'apprendre quelque chose de l'autre. Voici la fleur blose. Et toi ? Que penses-tu de cette fleur, pas comme les autres ? Lily parle doucement et explique ce qu'il faut faire. Elle, très curieuse, écoute attentivement. Pour une fois, elle ne coupe pas la parole. Elle sent que Lily sait bien lui parler. Enfin, quelqu'un qui la comprend vraiment. Mets-toi debout ou assise, comme tu préfères. Dit Lily doucement. Regarde bien Blose, la fleur magique. Quand le pétale devient rose, tu inspires doucement par le nez pendant 4 secondes. Puis quand elle devient bleue, tu souffles doucement par la bouche pendant 4 secondes. Et tu fais ça pour chaque pétale. « Oh, mais c'est facile en fait !» s'écrie Elle avec un grand sourire. « Allez, on y va !» dit-elle toujours pleine d'énergie et de bonne humeur. Lily et Elle commencent l'exercice ensemble. « Et toi, tu veux essayer avec elle ?» Inspire sur le rose et souffle sur le bleu. Installe-toi confortablement. Prends une grande inspiration et souffle doucement par la bouche, comme pour souffler dans une paille. Reprends ta respiration et si tu le souhaites, ferme doucement les yeux. Imagine la fleur blose. Regarde ses pétales. Un pétale bleu. Un pétale rose. Regarde leur couleur. prends le temps de les observer. Inspire tranquillement. Pétale rose, je prends de l'air. Pétale bleu, je souffle. Rose et bleu. Quand tu le sens, c'est le moment d'arrêter. Tu écoutes les bruits qui t'entourent et tu réveilles doucement ton corps. Ouvre doucement les yeux. Reprends une respiration naturelle. Bravo, tu le fais très bien. À ton avis, comment elle se sent ? Elle ouvre doucement les yeux et oh, quelle surprise! Les pétales de la fleur sont maintenant tous de la même couleur. Elle se sent calme, tranquille. Son cœur bat tout doucement. Sa respiration est lente et paisible. Un joli sentiment de paix remplit son corps. Lily, qui a tout observé avec attention, sourit. Elle voit combien elle a changé et lui propose tout joyeusement une deuxième petite expérience à découvrir. Dis, elle, ça te dirait de voir quelque chose d'incroyable dans le ciel ? Elle ouvre grand les yeux, curieuse. Oh oui, avec grand plaisir, répond-elle avec enthousiasme. Lily lui montre alors le ciel. Regarde l'arc-en-ciel et les jolis nuages autour. Qu'est-ce que tu en penses ? Elle observe en silence, émerveillée. Et toi, si tu étais avec elle, comment trouves-tu l'arc-en-ciel ? Et les nuages tout doux. Tu peux fermer les yeux et les imaginer. Elle regarde le ciel avec attention. Les nuages semblent tristes. Et voilà que l'arc-en-ciel disparaît derrière un gros nuage tout gris. Lily s'approche doucement. Et si on essayait d'équilibrer les nuages, propose-t-elle. « Mais comment faire ?» demande Ellie, intriguée. Ferme doucement les yeux. Imagine un bel arc-en-ciel dans ta tête. Tu le vois ? Il y a le rouge, puis l'orange, le jaune, le vert, le bleu, et enfin le violet. Nous allons suivre les couleurs une par une, en commençant par le rouge. Je t'explique et après, nous pourrons commencer. Allez, c'est parti. Imagine ton arc-en-ciel. Prends le temps d'observer toutes les couleurs. Inspire doucement l'air du gros nuage. Tu retiens ta respiration pour laisser circuler la lumière rouge pour commencer dans tout ton corps et tu souffles doucement comme dans une paille pour aller remplir le petit nuage en suivant la couleur de l'arc-en-ciel. Et tu reprends une respiration normale. Installe-toi bien, confortablement. Prends une grande inspiration par le nez. Et souffle doucement par la bouche, comme si tu voulais faire s'envoler un petit nuage léger. Si tu le souhaites, ferme doucement les yeux. Imagine ton arc-en-ciel entouré d'un gros nuage gris et d'un petit nuage gris. Prends le temps d'observer les couleurs. Peut-être arrives-tu même à toucher le nuage et l'arc-en-ciel. Inspire doucement l'air du gros nuage gris. Garde ton souffle un petit instant et fais voyager la couleur rouge dans l'ensemble de ton corps. Et souffle doucement pour mettre de l'air dans le petit nuage gris. Reprends une respiration naturelle. Puis, nous allons recommencer avec la lumière orange. Inspire l'air du gros nuage gris. Imagine cette couleur orange qui passe par ta tête, ton corps, tes jambes, tes bras et souffle pour l'amener au petit nuage gris. Reprends une respiration naturelle. Regarde ce que cette lumière orange a pu faire sur ton corps. Puis nous allons recommencer avec la couleur jaune. Prends ton temps. Inspire l'air du gros nuage. Laisse passer la lumière jaune dans tout ton corps. Peut-être ressens-tu de la chaleur, des picotements. Et souffle. Reprends une respiration naturelle. Passe à la couleur verte. Inspire. Bloque ta respiration. Laisse passer toute cette couleur verte là où ton corps en a besoin. Et souffle. Reprends une respiration naturelle. Peut-être ressens-tu le bienfait de chaque couleur. Peut-être que tes nuages sont en train de se modifier. Le gros nuage devient peut-être plus petit et le petit nuage devient un petit peu plus gros. Les nuages qui étaient gris sont peut-être même en train de changer de couleur. Passons à la couleur bleue. Inspire. Retiens, laisse passer cette lumière dans ta tête, ton corps, tes bras, tes mains, tes jambes, tes pieds et souffle. Reprends une respiration naturelle. Et enfin, nous allons terminer avec la couleur violette. Reprends une respiration naturelle. Peut-être ressens-tu dans ta tête, ton corps, ton cœur, l'ensemble des couleurs de l'arc-en-ciel. Prends le temps de prendre toutes ces belles couleurs et de les utiliser dans ton quotidien. À présent, tu peux doucement entendre les bruits qui t'entoure. Tu peux bouger doucement tes mains, tes pieds et revenir ici et maintenant. À présent, Ouvre doucement les yeux, lui dit Lily. Elle est sans quelque chose de différent. Elle est un peu plus proche des nuages et de l'arc-en-ciel. Tout là-haut, le ciel semble plus doux, plus lumineux. Les nuages sourient, légers et apaisés. Elle aussi se sent bien. Son corps est léger, son cœur est calme. Lily s'approche avec tendresse. Alors, Ellie, est-ce que quelque chose a changé ? Demande-t-elle avec un sourire. Ellie ferme doucement les yeux un instant, puis pose une main sur son cœur et répond. Oui, je suis différente, je sens quelque chose dans mon dos. Elle tourne comme une toupie et bondit comme un petit kangourou plein d'énergie. Ellie sent quelque chose de différent. Un frisson tout doux lui parcourt le dos. Alors Ellie, dis-moi, qu'est-ce que tu as compris et appris aujourd'hui ? Demande Lily en rigolant. Une chose magique se produit. Deux magnifiques ailes colorées se déploient doucement dans son dos. Elle a changé. Ellie est devenue un papillon. « Waouh !» souffle-t-elle. « J'ai appris qu'en contrôlant ma respiration, je pouvais me sentir bien dans mon corps et transformer mon énergie en une vraie force. Je n'ai plus besoin d'essayer d'être comme les autres, parce que je peux être moi, vraiment moi. » Elle sourit, regarde ses ailes et les fait bouger avec fierté. Merci Lily de m'avoir guidée et aidée. Grâce à toi, j'ai appris à voler à ma façon. Et maintenant, je suis prête à aider d'autres à s'envoler aussi.